Qu'on sache qui ne tue pas. Te rend plus fort, j'te bémé là en veilleuse lorsque sans motif des boules en plein phare. Si Marianne tend ses fesses, faudra tout de même lui tendre une main. L'animal est plus sociable quand on se fait la guerre entre humains. On en chie pendant que la haute part de la crise en plaisantant. Un quelqu'un ne suffit pas à faire la guerre de 100 ans, mon pote. Ce que j'ai dans mon verre ne s'appelle pas Kézak. Comme tout le monde, j'ai des ambitions mais j'en ai pas des masses. Voilà pour dire de la merde, sinon je poserai dans les chiottes. En bref, je pars pour les gens que j'aime, pas pour les cons ni pour les sottes, tu le sais. Mon avenir attendra. Mon son fait pop pop pop, as-tu reconnu l'attentat? Je suis un gaulois, je suis fier de l'être. Il manque plus qu'il défile, je n'affiche et tes oreilles pour te faire comprendre que j'ai les idées fixes. Je baise la prod, mais je n'éjacule pas. Je n'évacue pas tout comme tant de jeunes de Genève à Cuba. On est là, on se contente de ce qu'on a. Pourtant que certains suicident pour des sales connasses. La haine on l'extériorise par l'écriture. Ça fait peur à ce pays où la vie est dure. On est là, on se contente de ce qu'on a. Pourtant que certains suicident pour des sales connasses. La haine on l'extériorise par l'écriture. Ça fait peur à ce pays où la vie est dure. C'est la première fois où j'ai touché un feu. À l'époque de mes premiers sauts morts nerveux. Je rends hommage à mes délinquants à travers mes rap flows. Atmosphère morbide avec la haine à haute dose. La piste, les gavards, les grosses stats, les grosses cailles et les grosses schlags. J'ai grandi dans As, maintenant constate. Pourquoi je vais pas dans le glamour ou la douceur? Si tu veux danser, n'écoute pas cette merde, ma sœur. Vois sur les instrus dansantes, je les refroidis. Avec des rimes sanglantes, c'est pas ça qui m'habille. Mon rap est mafieux, comme celui de Scooby. Il est trop dans les studios sales, comme les putains Snoopy. J'ai des grosses envies de causer des meurtres. Assassiner les faux MC à cause de leur rap meurt. De la même façon que mon esprit tourmenté par la haine et les démons, j'arrête pas de me tenter. On est là, on se contente de ce qu'on a. Pourtant que certains suicident pour des sales connasses. La haine on l'extériorise par l'écriture. Ça fait peur à ce pays où la vie est dure. On est là, on se contente de ce qu'on a. Pourtant que certains suicident pour des sales connasses. La haine on l'extériorise par l'écriture. Ça fait peur à ce pays où la vie est dure.